mes ultimes secondes, je te regarde avec confiance, tendre animal au sein troublant que je tiens au creux de mes paumes. Je ferme les yeux, ton corps blanc est la limite du royaume. La fin des jours.